de cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Fou d'histoire pour donner la parole à ceux et à celles qui ne sont pas historiens, qui ne sont pas historiennes, mais qui portent un regard sur le passé. Fou d'histoire et folle d'histoire aussi, avec Sabine Weiss, sublime photographe. Son nom est associé à ceux de Robert Doisneau, de Willy Ronis. Elle a marqué un siècle d'histoire de la photo. Sans blague, Sabine Weiss est née en 1924. Et son travail nous offre des œuvres à l'esthétique remarquable, des documents aussi, qui nous parlent de notre passé. Ces documents qui nous rendent fous d'histoire. Sabine Weiss nous a dit « Venez, j'ai 97 ans, mais ça, c'est pas un souci. Non, mais j'ai une petite bronchite. Allez, allons-y. » Sabine Weiss, bonjour. Eh bien, bonjour à vous. Merci vivement de nous recevoir chez vous. Mais c'est un grand plaisir. Je vous attendais. Vous êtes même venu à l'heure, ce qui a satisfait ma curiosité, vous voir. La radio, c'est tenir l'heure. La radio, c'est le temps. Nous en parlons, mais chez vous, c'est un musée. Mais il y a aussi des radios. Par exemple, ce petit meuble-là, c'est une radio américaine. Ça tourne le disque. Elle n'est pas récente, hein? Non, elle n'est pas récente. Vous vous souvenez On a changé la platine, quand même. Quand même? Maintenant, je crois que ça sert de boîte à trésors. On y met des choses de temps en temps. Des trésors, mais il y a des trésors partout. Dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons évidemment à l'histoire, au passé, au temps qui passe. Tous ces objets qui vous entourent viennent de partout dans le monde. Oui. Parce que là, je me trouve avec un monde slave, il y a des icônes, il y a des peintures anciennes qui viennent bien de chez nous. On sort, c'est l'école française. Il y a de l'art d'Afrique aussi. Nous nous trouvons au Congo, pas loin avec alors, cette athlète-là. Écoutez, je vais vous dire, si on parle de gauche, le petit bonhomme, on se l'est rapporté du Mexique parce qu'il était un personnage. Je ne me rappelle plus exactement maintenant ce que c'était, mais c'était un personnage. Et je me rappelle, la petite statue de l'Inde, elle était au mur dans une espèce d'épicerie très pauvre. Et on a dit, est-ce qu'on peut acheter ça? Ils étaient très étonnés qu'on voulait acheter ça. Alors on a acheté ça. Après, derrière, il y a une grande vasque. Il y a une chaise en bois. C'est sculpté, aussi. Oui. Comme on dirait un squelette sur le dossier de la chaise. Oui, c'est aussi... C'est l'Amérique du Sud. Et puis la bonbonne qui est derrière, je ne sais plus d'où elle vient. Après, il y a le merveilleux... C'est quoi? C'est un moulin à café? Moulin à café. C'est ça. Alors, moulin à café, on était dans les Cévennes et j'ai vu le moulin à café dans une boutique. Je dis à mon mari, aïe, aïe, aïe. On s'arrête. J'ai dit, attends. J'ai été voir... J'ai dit, viens, j'ai retourné à la voiture, j'ai dit, le tournevis, il était sur le comptoir. Alors, on l'a dévissé pour l'emporter. On l'a acheté, quoi. Mais vous l'avez acheté, mais vous l'avez, il était accroché, quoi. Mais il était accroché, il avait le café dedans. Ouais. Il dit qu'il y a peut-être encore... Après, il y a un deuxième, c'est ce moulin à poivre. Après, il y a une église, ça c'est... J'ai une femme qui s'appelait Jacqueline Sells, qui était la femme qui s'occupait du salon de mai, un salon de peintres où tous les peintres pouvaient montrer. Et Guy Sells, c'était un type aussi qui aimait beaucoup les voyages. Il était le directeur de Elle vous a offert ça, cette église en terre cuite. Hein. Alors on a acheté ça, enfin. On a acheté. Le meuble, c'est chez ma grand-mère. Et puis juste là, à côté de la porte, parce que oui. Il y a une photo quand même, et faut en parler. Ben ça, ici, il y avait un tableau de mon mari. Et un jour, je suis rentrée de voyage, ma fille était passée à la maison. Elle avait mis plutôt la photo. C'est une photo que vous avez prise. Portugal, c'est ça? C'est le Portugal. Avec des enfants? Avec les enfants. Je suis intéressé de voir tous ces objets parce que, Sabine Weiss, c'est votre regard qui nous fascine. Le regard que vous avez, qui vous a permis de nous offrir toutes ces photographies. Et je me dis que le choix des objets, c'est aussi un peu cet écho à votre intérêt pour la chose, la forme, l'objet, les icônes, les tableaux anciens. C'est intéressant, ça. C'est un goût particulier que vous avez ? Écoutez, les icônes, je ne sais pas, peut-être, parce que quand j'étais enfant, disons enfant, jeune, j'étais amoureuse d'un enfant de cœur, de l'église orthodoxe. Donc, j'aimais beaucoup les icônes orthodoxes. C'était déjà un début. Mais évidemment, il n'a jamais su, le pauvre garçon. Et bien, ce qui m'a permis d'ailleurs d'aller tous les dimanches à la messe orthodoxe. La messe orthodoxe, mais ça se passait en Suisse, ça. Ça, c'était en Suisse. Parce que vous êtes né en Suisse. Je suis né en Suisse. Et j'ai donc aimé le premier amour qu'il n'a jamais su. Heureusement pour lui. Ces icônes viendraient de ce premier amour. Est-ce qu'il faut toujours de l'amour, justement, dans le regard pour essayer de capter un moment dans tout ce que vous avez fait, Sabine Weiss, comme photographie, sur ses enfants notamment? Est-ce qu'il faut un peu d'amour dans l'œil du photographe? Beaucoup, sinon vous ne faites pas la photo. Même un bâtiment, même une architecture. Si l'architecture vous plaît, vous séduit, vous êtes forcé de faire quelque chose pour vous en souvenir. Vous étiez une élève intéressée par l'histoire? C'était quelque chose qui vous interpellait? Non, moi, j'étais pas tellement intéressée par l'histoire. J'étais intéressée par les objets. J'étais intéressée par comment c'était fabriqué, le bricolage. J'ai toujours été pas une intellectuelle du tout, mais une bricoleuse. J'ai beaucoup travaillé et une aventureuse aussi, parce que je faisais des tas de choses quand j'étais enfant, plein d'idées nouvelles. Dites-moi, dans votre famille, il y avait une appétence pour l'art. Les musées, c'est quelque chose que vous avez connu dès votre plus jeune âge. Bon, je suis d'une famille bourgeoise, où on aimait les objets quand même déjà. Déjà chez ma grand-mère, chez mes grands-mères d'ailleurs, il y avait des jolis objets qui m'envahissent un petit peu aujourd'hui. On aimait beaucoup les arts. Mon grand-père, que je n'ai jamais connu, a fait beaucoup travailler à un grand peintre suisse qui s'appelait Hodler, et qui était le grand peintre suisse. Est-ce qu'il y avait un esprit de collectionneur, en fait, dans la famille ? Un petit peu, puisque mon grand-père commandait des tableaux à Hodler. Il avait fait le tableau d'abord du grand-père, le portrait pour la chambre à coucher de la grand-mère, et il a aussi fait les portraits de ses deux petits-enfants, enfin qui étaient les petits-enfants de ce client. Mais Hodler, il a fait beaucoup de choses, mais c'était surtout un peintre de la nature exceptionnel, très très beau. Il a fait des sous-bois, des lacs, des choses très très belles. Bon, maintenant, j'ai l'honneur d'être au musée de Genève avec ma... Ah non, c'est pas moi, c'est mon père. C'est mon père avec sa sœur. Évidemment, ils posaient dans le salon, tous les deux, bien, bien sagement, en se donnant la main, je crois. Et l'autre main, mon père la mettait dans sa poche, parce que Hodler lui avait dit, ce sera plus simple, une main à deux mois à peinturlurer, très bien. Et évidemment que quand ma grand-mère rentrait dans le salon, elle disait, Loulou, ta main. Mais dites donc, Sabine Weiss, vous aussi, vous êtes au musée, mais parce que vos œuvres sont au musée, parce que vos photographies sont au musée. Il y a un écho très intéressant, en fait, dans ce long cheminement de l'histoire de l'art, cet écho constant, ce dialogue entre la peinture et la photographie. Oui, mais la peinture, mon mari était donc peintre. Et lui, ça, c'est tout ce qu'il faisait, c'est de la peinture. Mais enfin, il était intelligent aussi. On va l'écouter, votre mari. Les archives ont conservé sa voix. La photographie, c'est une chose, elle a une vision qui exige une vision tout à fait différente que la vision d'un peintre. Le photographe voit des choses à l'extérieur et elle répond avec l'intérieur. Le peintre voit les choses tout à fait le contraire, il sort de l'intérieur vers l'extérieur. C'est tout à fait différent et puis on voit heureusement différemment. Mais elle se sert de moi comme mannequin, comme modèle, comme figurant, je me sers à tous les sauces. Elle me fait poser pour des photos de ski, pour essayer un objectif, que sais-je, mais à partir de là, quand on se promène, elle voit un arbre d'une façon, moi je vois l'arbre tout à fait dans une autre façon, et ces deux visions se mélangent jamais. En somme, si je comprends bien, c'est un excellent métier pour une femme, à condition d'épouser un peintre, non? Un bon peintre. Hugh Weiss, en 1965, qui disait que, eh bien, il y avait effectivement un regard peut-être différent entre celui du peintre et celui du photographe, de la photographe que vous êtes, Sabine Weiss. Quel était ce dialogue, en fait, entre la photographie et la peinture, entre le photographe et le peintre? En tout cas, il n'y avait qu'une chose importante, c'était l'amour. Nous nous sommes beaucoup aimés. C'est merveilleux. Je crois que je suis resté 58 ans avec lui et 58 ans de bonheur. On s'adorait. Et c'était très pratique, c'était très bien. Est-ce que vous travaillez ensemble entre vous, la photographe, et lui, le peintre? Il y avait des discussions sur comment composer. Oui, bonne question. Alors moi, ces tableaux, je les regardais toujours avec beaucoup de plaisir. Et il regardait toujours mes photos avec plaisir. Mais c'est pas le même objet. La peinture, pour lui, c'était l'imagination totale. Tandis que quand il voyait une photo, il voyait quand même un entourage où je me suis acheminé, où nous avons été quelquefois ensemble, quelquefois pas, mais enfin, qui était réel. Donc, c'était très différent de où il tournait le bouton. Et puis, quand nous parlons de la photographie, il faut rappeler la période à laquelle l'activité a lieu. Vous, Sabine Weiss, vous êtes de cette génération, de Robert Doisneau, de Willy Ronis, de tant d'autres. Je vous arrête tout de suite. Arrêtez-moi. Je ne suis pas d'une génération. Mais dans ce que j'ai fait, moi, à faire de tout, à expérimenter, à faire de l'infrarouge, à faire des photos en grand format, évidemment qu'à l'époque, on faisait tous les produits chimiques soi-même. Ça n'existait pas, les choses toutes faites. Sabine Weiss, quand vous parlez aux plus jeunes aujourd'hui, qui pour faire la photo, c'est rien aujourd'hui, une photographie, même avec un téléphone, on peut faire des photos. Vous avez connu, et c'est aussi dans la démarche de l'artiste, la manière beaucoup plus artisanal peut-être de faire la photo. Ce n'était pas simple de faire une photo. C'était pas simple, c'était le loup. Mais puis on les développait en plus, on les agrandissait. Mais moi ça me plaisait. Si bien que un jour j'en avais marre, j'ai pas été à l'école. Je suis parti de chez moi. J'ai appris l'allemand parce que j'étais en Suisse et c'était pratique d'apprendre l'allemand dans la ville voisine. D'apprendre l'allemand, c'est vrai que c'est intéressant de se dire que... Et il n'y avait pas d'autre chose. Il n'y avait pas d'autre chose. Pourquoi vous avez commencé la photographie d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille en Suisse... Alors, j'ai un livre, je crois que c'est dans le jeu de paume, qui a une page où il y a marqué mon premier film. Le premier film, j'habitais la Suisse, Genève. Et j'allais quelquefois à Paris avec mes parents. Et donc, je m'étais acheté un petit appareil en bakélite, tout à fait ordinaire, dans un de ces bric-à-brac. Et ça a déclenché. J'ai marqué mon premier film. Sur ce premier film, j'avais photographié ma mère, ma sœur, ma tortue, dans le jardin. Sabine Weiss, ce premier film, c'est vrai qu'on le voit, hein, ce livre, c'est Sabine Weiss, oui, vous est consacré, édition de La Martinière. Il est très drôle parce que on voit ces quelques photographies. Et je le prenais en considération, puisque je l'ai mis dans un album de photos. Oui. Je ne sais pas que je l'ai laissé sur le côté. Ça, il m'amuse beaucoup. C'est le regard qui compte, c'est pas tellement la qualité du matériel. Je suis très contente de l'avoir, puisque j'aime bien garder, comme vous voyez, tout ce qui va disparaître. Vous gardez beaucoup de choses, hein? J'ai beaucoup de peine à jeter, puisqu'il y a un moment où je m'attache à un objet. Justement, je vois une chose, je sais même plus ce que c'est. Je garde tout, j'ai la peine à détruire. Bon, et, oui. Et ces archives, vos archives des photographies des années 40, où sont-elles alors? Oh ben, j'ai tout gardé. J'ai vraiment tout gardé là. Et je m'en sers. Mais ce qui est amusant, c'est que dans les années 40, plus peu, non, disons 50, j'ai dû commencer dans les années 40. Mais mes archives intéressantes, c'est à partir de 50. Je les touche pas. Je fais rien avec. Mais j'ai une assistante qui s'est incrustée avec plaisir dans ma vie, avec bonheur pour moi, je voulais dire. Et elle fait marcher les choses. Mais dans les années 40, j'exposais. J'ai exposé à New York, au MoMA. J'ai exposé à l'Art Institute of Chicago, qui était un lieu merveilleux. Mais j'allais aux États-Unis, puisque mon mari était américain. Mais j'allais pas dans les expositions. Faut dire que j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Bon, je voulais partir de Genève. J'avais perdu ma mère. Alors je me suis dit, je vais partir. Bon, évidemment, j'ai une amie qui me dit, va à New York. Je connais quelqu'un qui s'occupe de photos. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait en photo? Oh, ben, je sais pas, il est peut-être photographe. Mais enfin, il a affaire avec la photo. J'avais pas d'argent. Je parlais pas l'anglais. Nul, quoi. Alors, je suis pas partie à New York. Je suis partie à Paris. C'était le plus simple. J'avais une amie qui partait aussi. C'est Annette Giacometti, la femme d'Alberto. Et elle partait. Je dis, moi aussi, je pars. J'avais une tante, je crois que j'ai habité chez une tante au début. J'avais quand même un petit peu de famille aux États-Unis, en France. Et alors, j'ai un ami qui m'a dit, ah, tu vas à Paris, va voir Mewald. C'est un photographe allemand qui était en réfugié en Suisse pendant la guerre. Et va lui dire que tu viens travailler avec lui. C'est un bon photographe. J'ai été frappé chez Mewald. Il était dans une petite chambre d'hôtel comme tout les isolés ou les je sais pas quoi. Bon. Il m'a dit, mais j'ai pas de local. J'ai dit, on va trouver un local. Finalement, il était hébergé chez des antiquaires de la rue Jacob. Et c'était très sympathique. Et on m'a trouvé une chambre noire, c'est-à-dire, ma chambre noire, c'était l'endroit où, du temps de la gloire de ces appartements, très bien placés, très bien. C'était aussi les domestiques se cachaient. C'est les arrières. Alors moi, j'étais donc ma chambre noire, qui évidemment avait l'inconvénient de ne pas avoir l'eau, mais pas de recul, un tout petit, un espèce de couloir qui longeait l'escalier principal de l'immeuble. On a trouvé ça, c'était très sympathique, et je suis restée 3 ans chez lui, à faire tous les Dior, toutes les maisons de couture de l'époque. Ah bah justement, puisque nous évoquons Dior, petit clin d'œil à Dior dans les actualités françaises. Christian Dior vous dit tout, madame, sur sa collection d'automne. Ses tailleurs respecteront la ligne longue. Les basques seront écourtées, le buste rond, les jupes évasées. Les nages et teintes sombres surtout, dominées par le noir. La robe, elle, sera d'ampleur mesurée, nette et souple, souvent marron ou cannelle. Les robes de petit dîner seront noires et brillantes comme Lavallière en faille habillée d'un Spencer de satin. Les robes à danser comme pigeonne de mousseline cannelle seront plus amples et plus vaporeuses. La robe de cocktail en satin et d'un vert allant de l'émeraude au bronze prend une importance accrue. Christian Dior, présenté dans Madame Actualité en 1951. Dites-moi, Sabine Weiss, quand vous arrivez à Paris, nous sommes en 1946, vous arrivez dans un monde qui sort de la guerre, un monde détruit, mais en reconstruction. Vous avez senti cette ambiance-là très particulière ? Oh ben, il y avait une vie active, très active. Il y avait quand même beaucoup de gens qui essayaient de revenir à Paris. On habitait n'importe où. On habitait dans des petits hôtels qui maintenant sont devenus des hôtels avec un ascenseur et tout. Mais qui, à l'époque, vous montiez au 4e, 5e ou quel étage, à pied, il y avait tout juste de l'eau dans la chambre. C'est très vague ce souvenir que j'en ai. Mais c'était des petits hôtels très très simples. Très populaire, justement, dans votre œuvre, Sabine Weiss, il y a cette attention portée aux petites choses, presque envie de dire aux petites gens, pas les gens que l'on va mettre toujours en avant, ce sont les enfants de la rue, par exemple. Oui, moi j'aime bien les petites choses, j'aime bien les petits gens, quand même. Enfin, mais dans ma vie, j'ai évidemment côtoyé toutes les catégories sociales. Oui, parce que par les photos de mode, vous étiez dans un tout autre univers que ces enfants que vous avez photographiés, ces petits enfants de la rue. Mais ça, c'est les enfants de la rue, c'est tout le résultat de ces petites chambres d'hôtel qui étaient si petites qu'on pouvait pas vivre là-dedans. On pouvait pas rester. Et quand je suis venue, quand j'ai connu mon mari, 49, je sais pas. Bref. Alors vous vous êtes mariée en 50. Ouais, on s'est mariés vite. Il était, quand je l'ai rencontré, il faut dire qu'il revenait d'une foire de vin. Il était avec des amis qui étaient pas enivrés du tout, mais meg, sympathique et gay. Ben, oui, il était, lui, en position de lotus, sur une chaise à porteur. J'ai pas pu faire autrement que l'embrasser. Bien sûr. Ben, voilà. Bien sûr. On s'est jamais quitté, malheureusement. J'ai pour cette petite fête qui était donnée par un de mes voisins. Moi, à l'époque, j'avais un atelier, j'avais la place. Alors, le voisin m'avait dit qu'il viendrait. Alors, j'avais acheté, par exemple, des grandes assiettes de fraises. Évidemment que le lendemain matin, il restait toutes les fraises à manger. Parce qu'on était tellement partis dans nos amours qu'on avait oublié complètement les fraises. Bon. Mais l'histoire est belle parce que c'est ça aussi, cette ambiance que vous nous évoquiez. C'est vrai que dans ce Paris de l'après-Seconde Guerre mondiale... Oui, il y avait beaucoup de choses qui étaient très différent. Mais moi j'aime bien parce que c'est cette ambiance un peu particulière. Oui, c'était un peu foufou. C'est l'ambiance du Boogie de Paris que chante Jacques Ellian. Un petit air est venu dynamique, un petit air est venu à Paris, plus violent qu'une bombe atomique, il éclata soudain comme un cri, car un jour a retenti ce rythme plein de folie qu'on appelle le Boogie-Woogie. Boogie-Woogie, partout vous n'entendez que ce cri, Boogie-Woogie, Boogie Paris. Sa mélodie tout à coup vous saisit, tout le monde devient fou, et je chante n'importe où. Boogie Boogie. boogie boogie boogie boogie woogie Paris. Boogie boogie boogie boogie boogie woogie Paris. Monsieur l'agent, ganté de blanc, siffle un boogie pour calmer les passants. Les midinettes dans les guinguettes ne dansent plus une jave à musette. Solitaire, dernier cri, oui oui oui qu'on entend jour et nuit. C'est le boogie boogie boogie de Paris. Vous devenez morose, si parfois vous avez du chagrin. Un seul truc pour voir la vie en rose, apprenez ce rythme plein d'entrain. Car vous verrez, c'est vraiment le paradis, le rythme du boogie woogie. Yeah. Boogie woogie, boogie Paris. Partout vous n'entendez que ce cri. Boogie woogie, boogie Paris. Sa mélodie tout à coup vous saisit. Le monde devient fou, et le chant importe où. Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, woogie Paris. Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie Paris. C'est délicieux, c'est merveilleux, on fait boogie et tout va beaucoup mieux. Les petits rats à l'opéra ne veulent plus danser que ce bar-là. Solitaire, dernier cri, oui, oui, oui, qu'on entend jour et nuit. Boogie, yeah. Boogie Paris, yeah. Partout vous n'entendez que ce cri. Boogie, boogie, yeah. Boogie Paris. Partout vous n'entendez que ce cri. Boogie, boogie, yeah. En 1946, Jacques Elian, le boogie de Paris dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Clément Nouguier avec Laurence Millet, aujourd'hui à la technique Sandrine Malon. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec Sabine Weiss, photographe de renom, je le dis ainsi, mais ça ne couvre pas la réalité de tout ce que vous avez fait, Sabine mais Weiss. Mais j'étais connue à l'époque. Oui, la célébrité est venue assez vite. Puisque hein. Même quand Steichen est venu à Paris, il m'a tout de suite demandé à me voir et il m'a tout de suite engagé pour une grande exposition qu'il faisait, qui s'appelait le Family of Man. Family of Man, c'était avec tous les photographes d'Europe qui avaient donné des photos pour montrer ce qu'ils faisaient sur l'amitié, l'amour. Et c'est vrai que dans votre travail, moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est que vos photographies, aujourd'hui, sont documents historiques. Ce restent des œuvres d'art évidentes, mais c'est aussi un document. Ça reflète une époque. Vous ne photographiez pas. Ça a complètement disparu. Ça a disparu. Parce hein. que quand je regarde les enfants de la rue de Paris et ailleurs, d'ailleurs, ils sont toujours assez propres. Tandis qu'à l'époque, c'était vraiment la pauvreté. À l'époque, il y avait. Ils ne réalisaient surtout pas qu'il y avait une différence et qu'ils étaient pauvres et déchirés. Incroyable. Et on pourrait croire que j'ai cherché des enfants en loquant très, très mal habillés. Pas du tout. C'était comme ça. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Dans le film de Jacques Tati, Mon oncle, oui. Dans ce film de Jacques Tati, il y a d'un côté la vieille France, la France traditionnelle, et puis la France d'aujourd'hui. On sent que Tati est très critique sur la France en plein progrès. Mais vous, c'est un peu ce regard aussi que vous avez. Moi, je trouve que vous arrivez à voir dans ce monde des années 50, même après. Mais il y avait beaucoup de ça aussi. Ce qui restait. J'avais pas de logement. Avec mon mari était à l'hôtel. Moi, j'étais dans un immense atelier de la Grande Chaumière, que Méval, avec qui je travaillais, m'avait prêté. Mais j'étais obligée de partir. Et alors mon mari me dit, je crois que j'ai trouvé un atelier. On va voir. Et alors finalement, il me dit, ça y est, on peut aller voir l'atelier. Et tu sais, il y a de l'eau dans la cour. Progrès. Progrès. C'est l'atelier dans lequel nous sommes, là, aujourd'hui. Oui. On est venu ici, il n'y avait que cette surface. 5 mètres sur 5. Pas à côté, pas rien d'autre. Vous l'avez agrandi, en fait, peu à peu, cet atelier. Alors, à Paris. Moi, de toute façon, on s'aimait. Alors, il n'avait pas d'importance s'il y avait l'eau ou pas l'eau. De toute façon, à l'époque, tout le monde allait au bain public. Ça, c'était, vous, les jeunes, vous ne connaissiez pas la pratique de ces douches, où on pouvait soit avoir des douches, soit avoir des baignoires. Alors, on pouvait, par exemple, se laver dans un bain, faire des petites folies dans une autre baignoire. Il y avait des salles avec 2 baignoires. Pour les couples. Pour les couples. Oui. Je me rappelle une scène dans le public. J'entends quelqu'un qui fredonne déjà. Ouh, je dis, c'est peut-être lui, là. C'est peut-être mon homme. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu qu'il a laissé tomber le savon. J'ai dit, c'est toi, You? Oui. Maladroit. Hugh Weiss, votre voilà. Mari. Mais alors, dans le même temps, il y avait toutes ces photographies de mode que vous avez pu faire. Là, ce sont les Cover Girls présentées dans le Journal des Actualités Françaises en 1952. À Paris, un public avide d'émotions artistiques, entourant un jury éclectique parmi lequel on remarquait Marcel Achard, se sont réunis pour élire Miss Cover Girl 1952. Près de 50 concurrentes mirent les nerfs de l'assistance à rude épreuve avant que l'opinion éclairée de Maurice de Cobra, père de la Madone des Sleeping, ne fit l'accord sur une personnalité que les encouragements de Gaby Morlaix ont définitivement consacré. Les Cover Girls des Actualités Françaises en 1952. Sabine Weiss, ces Cover Girls, vous les avez photographiées. Quel contraste il y avait entre ces femmes sublimes en une des magazines et puis les enfants dont nous avons parlé, ces enfants un peu crasseux de la rue. Elles arrivaient de toute façon pas sublimes. Elles se bichonnaient sur place. Pas sublime, très décoiffé. Vous êtes le reflet, en fait, de cette France de ces années-là, une France de contrastes. On pourrait dire qu'aujourd'hui encore, il y a des contrastes très forts. Mais les contrastes, c'est saisissant, on le voit à travers vos photographies. Ah oui, non, mais c'est net. C'était impressionnant. Et justement, quel souvenir gardez-vous, en fait, entre votre démarche de photographe, d'artiste, quand il s'agissait de faire une photo pour un magazine, une photo de mode? Et puis ces photos que vous réalisiez pour vous-même. J'avais mon boulot à faire pour magazine très très sophistiqué. Et puis un autre pour moi. Il n'y avait pas de, j'allais dire, d'espace. C'était le même travail en fait. C'est le regard un peu différent, l'objet différent, mais c'est le même travail. C'était de remarquer. Mais il y avait tout. Mais je pense que même il y avait les bourgeois. La clientèle, hein. Oui, oui, surtout via la mode, via beaucoup de photographies, de parfums, de choses comme ça. Mais pas simple, hein, de travailler comme photographe. C'est un métier aussi difficile, vous nous l'avez bien dit. Sabine Weiss, ça a commencé par une envie, une passion avec cette première planche, là, ces premières photographies, et puis ça devient un métier. Est-ce que dans ces années-là, c'est une évidence que la photographie peut être un métier? C'est pas si simple oui, que ça. Oui, alors je vais vous dire que quand j'ai travaillé à Genève, avant de me lancer par mes propres moyens, j'ai fait un apprentissage dans une maison qui, quand j'y suis rentré, fêtait ses 80 ans. C'était déjà une très vieille maison. Mais à l'époque, on n'allait pas photographier les clochards, on allait photographier les montagnes de Suisse. On faisait de la varappe et tout pour accéder à des choses que les autres gens ne voyaient pas. Et vous, les clochards, ça vous a intéressé aussi? Oui. Pourquoi? Pourquoi je me suis intéressée aux clochards? D'abord parce que j'ai habité une ville qui était Genève, qui était une petite ville, petit bourgeois, tout à fait simple. Donc, qui sont arrivés? Les Américains. Tous ces Américains, tous ces gens qui ne pouvaient pas aller plus loin et qui étaient envoyés en Suisse pour manger un peu de chocolat et fumer quelques cigarettes. Je fumais 2 paquets par jour. C'était pas bien, j'ai arrêté. Et ce contraste avec les bourgeois, ça vous a donné envie de photographier Les bourgeois fumaient beaucoup. Et les clochards, eux, fumaient aussi. Mais il y avait quelque chose sans doute de plus humain avec eux. Je sais pas, j'avais des amis déjà, un peu farfelus. Et on avait des relations. On parlait aux clochards. On allait les voir. Je me rappelle même une fois, dans un lieu très très désertique, on avait dit, on lui apporte une bouteille de vin blanc, je crois que c'était. Alors on est arrivé là-bas, il n'était pas là, le clochard. Et je me rappelle qu'on avait enterré la bouteille quelque part pour pouvoir pas la remporter comme ça, mais la retrouver un autre jour. Sabine Weiss, je vais vous faire écouter la voix de quelqu'un que vous connaissez bien. C'est Raymond Grosset qui nous parle de la photo de presse. Ils ont été fondés pour répondre à toutes les demandes de la presse, qui sont considérables. C'est un métier qui s'est développé d'une façon extraordinaire au cours de ces 20 dernières années. Avec tous les événements qui se passent dans le monde, vous imaginez bien que la plupart des magazines ne peuvent pas couvrir tous les événements, ne peuvent pas illustrer. Alors vous intervenez pour compléter les demandes d'illustration des magazines. Exactement. Et vous êtes capable de répondre à toutes les demandes. Avec mes confrères, certainement, nous pouvons répondre à la plupart des demandes. Bon, si je vous pose des cols, par exemple, soucoupe volante. Ah ben, nous avons des photos de soucoupe volante. Nous avons les meilleures photos de soucoupe volante qui ont jamais été photographiées. Comment abordez-vous des problèmes délicats comme ceux de la prostitution ou des blousons noirs, par exemple? Ce sont des problèmes qui sont difficiles, en effet, à traduire en images. D'abord parce qu'il y a le droit de la personne photographiée, de ne pas photographier n'importe qui. Et donc, il faut s'arranger pour évoquer ces personnages, essayer de créer une atmosphère, ou bien alors on prend des modèles et on les fait poser. C'est ce qui est le cas, par exemple, de la photographie faite par Robert Doisneau, de cette jeune fille sur le banc, et qui évoque non pas la prostitution, mais le danger que court la jeune fille arrivée de province et arrivant à Paris. Raymond Grosset, directeur de l'agence RAFO, qui s'exprime en 1964. Sabine Weiss, l'agence RAFO. Ça aussi, ça fait partie de votre histoire, mais c'est aussi partie de l'histoire. C'est tout à fait de mon histoire. Ah ben oui. C'est-à-dire que moi, on m'avait parlé d'une agence qui s'appelait Magnum. Alors j'ai dit, comme je quittais Mayval, je commençais à vouloir être complètement indépendant à Paris. Je suis allé chez Magnum et ils m'ont dit, bon, écoutez, si vous voulez, on va vous donner un sujet, vous traiterez le sujet et on verra ce que ça donnera. Bon, on m'a donné un sujet qui était un village qui s'appelait Dun-sur-Oron, qui recevait des gens un peu handicapés, mais pas dangereux, et qu'ils passaient dans des familles pour les remettre un peu. Bon. Alors j'ai fait un reportage là-dessus, c'était bien, c'était très très intéressant à faire et tout. Et après, on m'a dit, maintenant il faut donner le reportage pour qu'on voit si on peut le publier. Et toutes les photos où il y avait des malades, enfin, des légèrement handicapés. Mental, on m'a interdit de les montrer. Alors il me restait à peu près le toubib, les gens du pays, enfin, c'était foutu. Je ne sais plus précisément que je ne l'ai pas même montré à personne. Maintenant, il est exposé. Justement, je fais une exposition à Arles. Arles, j'ai une grande exposition à Arles. Et il y a toute une série de ce village avec ces gens qui sont à l'honneur maintenant. C'est étonnant. Oui, mais c'était comme ça, il fallait pas non plus se borner. Et alors à l'époque, j'ai rencontré, j'avais publié une photo dans Vogue. Et donc le directeur m'a dit, eh bien venez me montrer d'autres choses. Je suis arrivé avec des morveux, des clochards, et etc. Alors ça lui plaisait beaucoup. Et puis il y avait un petit monsieur à côté de lui qui prenait des notes, qui écrivait et qui faisait des petits hochements de tête. C'était Doineau. Doineau avait beaucoup aimé tout ce que je montais, donc il a tout de suite été chez Raffaut. Il faut vite écrire à Sabine Weiss qu'elle vienne travailler avec nous. Donc j'ai travaillé par cette photo de... Grâce à Doineau. Grâce à Doineau. Justement, on l'écoute, Robert Doineau. Après la libération, en 1945, il y a un des officiers d'ordonnance du général que je connaissais, m'a téléphoné en me disant, est-ce que tu fais des portraits parce qu'on songe à faire photographier le général en civil, puisqu'il entre dans la vie politique. Et naturellement, j'ai répondu oui. Et ça m'a amené à Neuilly, dans une villa qui avait été occupée par les Allemands auparavant, où le général était. Et je l'ai photographié avec les moyens du bord à l'époque. Il n'était pas question d'éclairage électronique ni rien de ce genre. J'ai transporté quelques projecteurs dans le salon qu'on m'avait désigné. Et le général est arrivé plus tôt que prévu, ayant complètement oublié qu'il y avait un photographe qui devait le tirer le portrait. Et j'étais un petit peu gêné de faire ma petite installation électrique devant lui, mais enfin ça s'est bien passé. Et j'ai fait toute une série de portraits qui ont eu enfin un grand retentissement. Celle-là a été utilisée par l'illustration, le premier numéro après la libération, une photographie du général en train de lire. Celle-là qui est plus un peu plus posée. Robert Doineau qui s'exprimait en 1964 à propos d'une photographie du général de Gaulle, mais juste après guerre. Dites-moi, Sabine Weiss, y avait-il un esprit de bande en fait, parce que Doineau vous le connaissiez bien évidemment, parce que photographie vous fait venir à l'agence Raffaut, et puis il y a d'autres noms, il y a Willy Ronis. Il y avait un esprit de bande des photographes. Alors je vais vous dire tout de suite, je ne connaissais personne. Je connaissais Doineau, Ronis, trois quatre photographes. Les autres je ne connaissais pas. Vous les connaissiez pas du tout. Mais non seulement je les connaissais pas. Même maintenant, je ne les connais pas. Je vais pas dans les expositions. Sauf si c'est un copain. Hier, mon assistante me dit, il faut absolument qu'on aille voir l'exposition de, je sais plus qui c'était, quelqu'un de très connu. Cartier-Bresson. Oui, pourquoi je parlais de Cartier-Bresson? Cette exposition de Cartier-Bresson, non mais c'est sûr que, moi je vous disais, j'imaginais peut-être une bande d'amis de photographes, mais en fait pas tant que ça. Pas du tout, pas du tout. Ouais. Et dans cette histoire-là d'influence, toujours, on regarde quand même le travail des autres pour savoir ce qui est fait. Mais je regardais pas le travail des autres, ouais. J'avais mon propre travail. C'est ça votre force en fait. Oui. C'est très curieux parce que j'ai connu Doineau, parce que c'est lui qui m'a fait rentrer à Raffaut. J'ai connu l'Artigue parce qu'il était à Raffaut. Je veux dire, j'ai pas besoin, moi. Sabine Weiss, le photographe Pierre-Jean Amar, historien de la photographie, dit quelque chose que je trouve intéressant. Il dit, la touche du peintre évolue au fur et à mesure de son travail. L'œil du photographe ne change pas et que la photo des premiers temps, en fait, si le talent est là, ce sera le même œil à la fin d'une carrière. Alors, très belle phrase, tout ça. Vous pouvez dire que chez Sabine Weiss, ça va pas du tout. Parce que son mari a toujours à garder son même œil. Et par contre, c'est lui à qui je demandais de me choisir des photos. Parce que ça l'intéressait de voir d'abord des photos de Paris. Et il aimait bien sortir aussi avec moi. Mais dans votre travail à vous, vous avez l'impression qu'il y a une évolution, en fait, du regard? Ben non, dans la tête, oui. Le jugement, certainement. Il n'y a pas tant d'évolution que ça, et j'aime beaucoup cette idée que votre mari était peintre, vous photographe. Il y a un petit côté bohème hein, dans cet atelier dans lequel vous vivez. C'était tout à fait bohème. C'est de la Seine qu'il faut faire la découverte de Paris. En comptant à bord d'un bateau-mouche 40 ponts qui la chevauchent, en découvrant ses îles, la cité, l'île Saint-Louis. En explorant ces quais où s'anime une faune sympathique et singulière, du couple classique au pêcheur à la ligne assisté de son litre de rouge, du pêcheur au peintre du dimanche qui s'obstine à peindre chaque dimanche un coin de Paris, du peintre au clochard qui dort ou qui rêve. Les actualités françaises en 1953, scènes de genre. Il y avait ça aussi, moi j'ai l'impression, dans cette vie de bohème que vous avez connue, Sabine Weiss. Ces balades dans Paris, ce regard que l'on peut porter sur tout. Il y a une autre manière de voir le monde quand on est photographe comme vous, quand on est artiste comme vous. Le petit détail, d'un seul coup, ça éveille quelque chose. Le cas, c'est pas comme quelque chose de différent. On l'incorporait dans la vie normale, tout à fait classique. Mais la vie normale est tout à fait classique. Moi, je reviens au lieu où nous nous trouvons. Maintenant, je sais que c'est votre atelier. Je connais son histoire. Hein. Maintenant, il y a de l'eau. Il n'y en avait pas. Ça s'est agrandi. Je vois ce qui s'est passé. La cour, c'était un... Il y avait une table. Parce que le linge, quand on lavait du linge, on le frottait avec une brosse. Alors, il y avait une table pour frotter le... Et là, il y avait tous les fils pour accrocher le linge à sécher. Et là-bas, de l'autre côté, il y avait une cage avec les poules. Il n'y avait pas toute la soupente qu'on a fabriquée. Et nous, on était complètement sifolo. On a demandé à la gérance si on pouvait tout reconstruire. Mais on a tout reconstruit à nos frais. C'est votre côté bricoleuse. Oui, côté bricoleuse. Mais c'est ici que les œuvres ont été créées. Votre mari, bien sûr, mais vous, vos photos. Mais aussi les choses sophistiquées, les parfums. J'ai beaucoup travaillé pour Carven, c'était une maison de parfums, enfin pour toutes les maisons. Et les photos de publicité, c'est ça, des flacons? Oui, ouais. En couleur, très difficile techniquement à faire. Il y avait l'idée qu'un jour, ces photographies seraient exposées dans un musée. Ah ben, c'était fait pour les grandes revues. Pour les revues, pas pour les musées, en soi, certaines de vos œuvres. Alors non, c'est pour ça que quand le musée de New York m'a demandé des choses, j'ai pas pris en considération. Bah oui, parce que ce qui est notre passé, ce qui est le vôtre, mais qui a été votre vécu, c'est un ensemble, en fait, c'est une histoire, mais qui... On vivait chichement, papa, on faisait beaucoup de troc avec des commerçants de viande, par exemple. Je vous fais une photo de votre étalage, parce que les étalages de Noël, c'était formidable. C'était très, très beau. Je vous donnerai une photo, vous me donnerez un beefsteak. Je me suis jamais dit, il faut que je photographie ces pauvres. C'est les attitudes qui m'intéressaient. Les attitudes et cette joie. Hein. Moi, je vois la joie dans ces photographies. Ah, il y a des sourires incroyables. Même les clochards. J'ai fait un reportage sur un clochard. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. J'aimerais bien vous faire écouter un son. C'est Roland Barthes qui réfléchit à ce qu'est la photographie. La photographie présente une sorte de paradoxe extrêmement intéressant. Parce qu'en principe, une photographie, c'est véritablement la copie littérale du réel. Et au fond, ce qu'on demande à une photographie, ce qu'on croit lui demander, c'est d'être une sorte d'analogie totale et parfaite de la scène qui est captée par l'image photographique. Or, on sait, ou en tout cas, dès qu'on commence à regarder des photographies de presse, par exemple, ou même des photographies touristiques, avec un regard un peu critique, on sait très bien que malgré cette sorte de présence analogique naturelle de la photographie, eh bien en réalité, la photo transmet bien d'autres messages, je parlerais des messages seconds ou des messages latents, qui ne sont pas inscrits directement dans le détail de la scène représentée. Le message, si vous voulez, émis ou transmis par une photographie de la Tour Eiffel, ça n'est pas finalement la Tour Eiffel, c'est Paris. Roland Barthes, le philosophe qui s'exprimait en 1962. Oui. Sabine Weiss, c'est intéressant ce qu'il dit. Oui. La Tour Eiffel, c'est Paris. Oui. Vos enfants, vous, c'est quoi? C'est l'humanité, en fait. Paris. Ah, Paris. Pour moi, ce que c'est... C'est le tout. C'est d'ailleurs pas simplement un moment donné de l'histoire. C'est un tout, quoi. C'est l'enfant d'avant, d'aujourd'hui et peut-être du futur. Moi, c'était tout le nouveau, puisque je venais d'une ville, Genève, qui n'est pas une grande ville, qui est avec une société de petits bourgeois, de petits... Donc Paris était très différent déjà. Sabine Weiss, et puis si on revient à cet objet-là, à cette radio, on fait de la radio oui. avec ce tourne-disque, on n'a pas cité vraiment de musique. S'il y avait une musique que l'on pourrait remettre sur ce tourne-disque... Alors quand j'ai rencontré... Moi, je n'ai pas... Je suis pas une fervente... Enfin, je vis même sans musique, s'il faut. Tandis que mon mari, vous voyez là en haut, il y a tous les disques. Oui, quand je vois des vieux disques. Quand il est venu et il m'a rencontré, il est allé chercher les disques. Et il savait qu'il ne reviendrait plus à part en France, que c'était qu'il allait vivre avec moi. Ah. Je retiens de tout ce que nous avons pu échanger, Sabine Weiss, tous ces objets qui nous entourent, ce passé qui est présent autour de vous sans cesse, et puis ce mot qui est revenu. C'était une belle histoire d'amour, tout ça, en fait. Ah, c'est une belle histoire d'amour. L'amour, avec, ouais, l'amour qui est partout dans votre œuvre. Je vous remercie beaucoup d'être venu et qu'on ait pu, j'ai pu m'épancher sur mes souvenirs et vous serez les bienvenus. Merci vivement, merci beaucoup. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Anne Grimbach, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.